Comment dit-on acheter? Comprar. Comprar. Et je ne l'achète pas? No lo compro. No lo compro. Et pourquoi est-ce que tu ne l'achètes pas? Por qué no lo compras? D'accord, mais insistez un peu plus sur la syllabe accentuée. Compras. Bien. Por qué no lo compras? Et pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas? Cette fois, vous posez la question à ustedes. Por qué no lo compran? D'accord. Por qué no lo compran? Et nous l'achetons, ça sera? Lo compramos. Lo compramos, oui. Hein? Lo compramos, nous l'achetons.